Chapitre 14e, Wilfrid Lester tourne mal. 9 ou 10 années s'écoulèrent sans qu'aucun événement digne d'être raconté se passât à Danechild. 6 enfants étaient nés du mariage de M. Lester et de Lady Adelaide, sans amener avec eux le bonheur dans la maison. M. Lester était maintenant un homme plein de soucis et d'inquiétudes, sans cesse occupé à chercher les moyens de satisfaire aux lourdes charges qui pesaient sur lui. Sa confiance en sa femme n'avait pas diminué. Il l'aimait comme bien peu d'hommes, arrivés à son âge, sont encore capables d'aimer. Et elle, Lady Adelaide, qu'en dire en vérité? Qu'elle était une mauvaise épouse? Ce ne serait pas exact et pourrait être pris dans un sens impropre, car elle avait été une femme fidèle, rigoureusement fidèle, mais insensible et sans cœur. Il nous faut à tous, hommes ou femmes, un but dans la vie. Une existence sans but est une existence misérable et désespérée. Lady Adelaide n'en avait pas. Il semblait qu'aucun lien ne la rattachât ici-bas. Son ancienne indifférence avait fait place à un état d'ennui chronique que rien ne pouvait vaincre. Dès les premiers jours de son mariage, elle s'était lancée dans des dépenses folles et avait entraîné son mari avec elle. Son train de maison, qui aurait été à peine modéré pour le château de Dane, était tout simplement ruineux pour Danechild Hall. Mais Lady Adelaide n'avait pas l'air de le comprendre. Sa toilette seule coûtait 10 fois plus qu'il n'aurait été raisonnable. Ils avaient maintenant une maison à Londres et y passaient chaque année dans les plaisirs et les fêtes les 2 mois de la saison. Chaque année aussi, au commencement du printemps, ils passaient, c'était là une règle invariable, 1 mois à Paris, et Lady Adelaide déclarait que ce petit voyage était nécessaire à sa vie. En réalité, le seul moment de l'année où ils fussent réellement tranquilles était l'automne, qu'il passait à Danechild. On peut juger par là si le revenu modeste, comparativement de M. Lester, 75 000 francs par an, pouvait suffire à de semblables dépenses. Ce n'était même plus 75 000 francs aujourd'hui, car le capital avait été peu à peu entamé, et le revenu s'en trouvait diminué. De plus, une grande partie de ce capital appartenait à Miss Lester. Les 375 000 francs laissés par le défunt Lord Dane à Lady Adelaide avait disparu comme une goutte d'eau dans l'océan, et était dépensé depuis bien longtemps déjà. Les enfants, dont la venue se succéda si rapidement, ne calmèrent pas l'extravagance et le besoin d'agitation continuelle de leur mère. Aussitôt rétablie d'une de ses couches, Lady Adelaide donnait une nourrice au baby et reprenait ses habitudes mondaines. Ce n'est pas qu'elle n'aima pas ses enfants. Elle avait pour eux, au contraire, un amour jaloux et exclusif. Mais elle ne connaissait pas, disait-elle, de pire supplice sur cette terre que d'avoir toujours ses enfants autour de soi, excepté à Danechild, elle n'était presque jamais avec eux. Elle les aimait tant qu'elle en devenait souverainement injuste. On verra tout à l'heure comment. Et cependant, elle n'essayait même pas de s'occuper de leur éducation. Elle les aimait pour les voir paraître à table au moment du dessert, avec leurs jolies robes flottantes et leurs cheveux bouclés, ou pour les promener dans sa voiture, pomponnées comme de petites poupées. Dans ces occasions-là, elle les gâtait outrageusement et était pour ainsi dire leur esclave. Le pauvre M. Lester ne considérait ses embarras d'argent que comme la conséquence naturelle de l'accroissement de sa famille et se lamentant sur son malheureux sort, maudissait les dieux de ne lui avoir pas été plus doux dans la répartition de leurs faveurs. Tiffle était toujours au hall et Tiffle prospérait. Elle avait conservé son poste de femme de chambre de Lady Adelaide et continue à faire peser sur les autres domestiques son autorité ferme, redoutable et incontestée. Tiffle avait, dans les premières années du mariage, accompagné sa maîtresse dans ses voyages, mais quand la famille augmenta, elle lui restait au hall pour surveiller les enfants, et Lady Adelaide prit une femme de chambre française, petite personne aimable et enjouée, qui parlait français au baby, et avait grand soin pendant les séjours à Danechild d'abandonner ses fonctions auprès de madame à l'ombrageuse Tiffle. Sur un point, Tiffle avait réussi à sa plus entière satisfaction. Grâce à elle, la guerre s'était allumée entre Lady Adelaide et Wilfrid Lester. Et quoique les hostilités ne fussent pas ouvertement déclarées, car Wilfrid ne rencontrait que rarement sa belle-mère, les mauvaises dispositions des deux parties, l'une envers l'autre, n'en étaient pas moins accentuées. Elles se haïssaient cordialement. Lady Adelaide, dans son injustice aveugle, considérait Wilfrid comme un véritable intrus dans la maison, comme une sorte de larron qui dépouillerait ses enfants à elle, si M. Lester lui remettait, et tout portait à croire qu'il en serait ainsi, la part de fortune à laquelle il avait droit. La part légitime de Wilfrid devait être considérable, puisque plus de la moitié de la fortune de M. Lester lui venait de sa première femme. Wilfrid, de son côté, ressentait, il est à peine besoin de le dire, un profond ennui du second mariage de son père, qui, à ses yeux, avait eu surtout pour résultat d'éloigner sa sœur et lui du foyer paternel. Ils y venaient quelquefois, il est vrai, accidentellement, mais plutôt en visiteurs qu'en enfants de la maison. Ils y avaient l'air d'étrangers, et l'on ne laissait pas échapper une occasion de leur prouver à tous deux qu'on les regardait comme tels, et plus particulièrement Wilfrid, que son père cherchait à éloigner de lui chaque jour davantage, et qui avait la preuve des efforts de Lady Adélaïde pour l'en détacher tout à fait. Un pareil état de choses ne pouvait donc qu'envenimer les sentiments du jeune homme à l'égard de sa belle-mère. Wilfrid fut envoyé de bonne heure au collège, et quand il eut terminé ses études, on lui acheta un brevet d'officier dans un régiment d'élite. « Cela lui fera au moins une position, » dit Lady Adélaïde à son mari, « et j'en serai débarrassée ici, » ajouta-t-elle mentalement. « Lui faire une position. » Chacun sait à quelles dépenses sont entraînés les officiers dans ces corps d'élite. Dépenses non pas seulement nécessaires, mais rendues inévitables en quelque sorte par des tentations de tous les instants, auxquelles bien peu ont la force de résister, par la mode, l'exemple, la manie de faire comme les autres. La solde de ces officiers, comparée à leurs dépenses, est une goutte d'eau dans une rivière. La plupart d'entre eux sont des hommes de rang élevé, quelques-uns de grande richesse, et ceux qui ne jouissent pas, pour leur malheur, d'une bourse bien garnie, n'ont pas de chance d'avancement, car ils sont fatalement destinés à mal tourner. M. Lester aurait dû, avant d'engager son fils dans une telle voie, peser toutes ses considérations et réfléchir à la maigreur de la pension qu'il pouvait lui allouer. Il ne le fit pas cependant, et Wilfrid rejoignit son régiment. Sans souci, indifférent, bon enfant, attrayant et remarquablement beau, personne plus que lui n'était capable d'avoir des succès dans un tel milieu. Jamais jeune homme ne fut plus populaire que le sous-lieutenant Lester, et jamais non plus, il serait inutile de vouloir pallier le fait, jeune homme ne se livra plus inconsidérément à toutes sortes d'extravagances. L'exemple est contagieux, et le sous-lieutenant Lester n'eut ni le bon sens ni le courage d'y résister. Il se laissa entraîner par la contagion et se ruina. Après 4 ans de plaisir et d'agitation, Wilfrid fut obligé d'appeler en toute hâte M. Lester à Londres. Il était entre les mains de Philistin et menait d'être jeté en prison. Il avoua franchement sa situation à son père, sans rien lui cacher de l'état réel de ses affaires. Il lui fallait de l'argent, beaucoup d'argent. « Je ne puis t'en donner, » dit M. Lester. « Alors il ne me sera pas possible de rester au régiment. Je ne puis rien y faire. Vends ton brevet et consacre-en le produit à la liquidation de tes dettes. » Le jeune officier parut consterné. « C'est une cruelle alternative, » dit-il. « Il n'y en a pas d'autre. Je ne t'ai pas adressé un seul mot de reproche, Wilfrid, comme bien des pères auraient fait à ma place, car je suis à blâmer autant que toi. Je sais quelque chose des tentations auxquelles tu n'as pas eu la force de résister. Mais il me semble que les jeunes gens, c'est une nécessité, viens-tu de me dire, dépensent aujourd'hui 3 ou 4 fois plus d'argent que de mon temps. C'est là une malheureuse et triste affaire, et une véritable ruine pour toi, car tes projets d'avenir sont brisés. Je t'aiderai, si c'est à mon pouvoir, Wilfrid, oui, en vérité. Je t'aiderai de bon cœur, mais je ne le puis pas, même dans la plus modeste proportion. Je suis comme toi, dans une situation d'argent telle que j'ose à peine en parler. » Grâce à la longue suite d'extravagances de Milady, pensa Wilfrid, et l'on parle des miennes. Il faut vendre ton brevet, et le vendre sans perdre de temps, continua M. Lester. Je me charge de te faire sortir de prison, je l'espère du moins. Les affaires pourront ensuite se traiter tranquillement. Si la liste que tu viens de me remettre comprend toutes tes dettes, le produit de la vente de ton brevet sera à peu près suffisant pour les liquider. Et après ? Après, je ne sais pas. Tu n'aurais pas dû attendre aujourd'hui pour penser à l'avenir. Enfin, tu pourras toujours, en attendant, venir passer quelque temps à la maison. Peut-être réussirai-je à t'obtenir un emploi du gouvernement. Il fallut bien se soumettre, mais la nécessité de vendre son brevet fut pour Wilfrid un coup terrible. Les fonds réalisés ne suffirent pas tout à fait à payer ses dettes, et M. Lester consentit à s'engager au paiement de ceux qui restaient encore dus. Il est possible que sa conscience lui reprochât de ne pas se conduire précisément comme il le devait vis-à-vis de son fils aîné, et que cette pensée l'eût enfin rendu plus indulgent et plus coulant. Quant à Wilfrid, il était profondément blessé de la manière d'agir de son père à son égard. Il vit sa carrière brisée, son avenir sans espoir, et une fois ses affaires arrangées, il retourna au hall, découragé, accablé, comme un homme déshonoré, s'inquiétant peu de ce qu'il deviendrait. Le grand train de la maison paternelle ne se soutenait qu'à l'aide de l'argent de sa mère. Sans le second mariage de son père, sans cette nouvelle et nombreuse famille, l'argent lui aurait-il manqué ? Wilfrid se regardait comme une sorte de victime sacrifiée au bonheur personnel de son père. Lady Adelaide le reçut presque gracieusement, en apparence, froidement polie, mais d'une politesse qui n'appartenait qu'à elle. Wilfrid ne s'y trompa pas un instant, et se sentit plus que jamais de trop dans la maison. Une sorte d'antagonisme s'établit entre sa belle-mère et lui, et naturellement ce fut toujours elle. Comment aurait-il pu en être autrement, avec Molester pour juge du camp, qui triompha dans cette lutte ? Tiffle ne cessait de souffler sur la flamme. Les années n'avaient pas calmé les préventions de Tiffle à l'égard de Wilfrid, et sa haine, passive, pour ainsi dire, contre l'enfant, était devenue une haine active contre l'homme. Wilfrid, pour avoir la paix, prit le parti de s'absenter de la maison le plus souvent possible, et pour échapper à l'ennui aussi bien qu'aux hôtes du hall, chassait ou pêchait presque toute la journée et allait passer la soirée au cottage de Miss Bordelion. Ce fut un bonheur pour lui, dans un sens du moins, car bientôt, très bientôt, son ennui s'évanouit comme par enchantement, et ce jeune homme indifférent à tout, découragé, qui se demandait quelquefois s'il ne ferait pas mieux de se jeter lui-même dans l'étang que d'y jeter sa ligne de pêche, et n'aurait pas fait un pas pour sauver sa vie, reprit tout à coup son courage et son énergie et se mit à espérer. L'existence, qui lui semblait hier encore si lourde à porter, devint pour lui comme un paradis plein de soleil et de douces visions. L'avenir, hier encore si incertain, si triste et si désespéré, se dégagea soudain de ses nuages sombres et lui apparut sous les plus tendres et les plus vives couleurs. Il aimait Edith Bordelion. Il l'aimait, non pas de cet amour passager et inconstant qui ne résiste pas aux épreuves de l'adversité et du temps, mais d'une de ces passions pures, inaltérables, qui vous absorbent tout entier et dont les femmes seules sont ordinairement capables. Il ne s'était pas vu depuis 4 ans quand il revint à Danesheld. Wilfrid n'avait pas une seule fois rendu visite au hall pendant le temps passé par lui au régiment. Il rencontrait quelquefois son père et Lady Adelaide à Londres, accidentellement, et pensait que cela suffisait. Edith et lui se retrouvèrent donc comme des étrangers. La charmante petite fille que, dans sa jeunesse, il traitait en sœur, semblait maintenant une toute autre personne. Il y avait un monde entre l'enfant si familière et si rieuse et la belle et élégante jeune femme d'aujourd'hui. Après quelques mois de félicité sans mélange et de rêves dorés, Wilfrid se décida à confier son secret à son père. La nouvelle troubla étrangement M. Lester. Il ne pouvait faire aucune objection contre Edith. Elle était d'une aussi bonne famille que son fils, presque de la même pour ainsi dire, et elle hériterait sans aucun doute d'une fortune convenable à la mort de son père, le colonel Bordelion, dont elle était fille unique. Le colonel habitait l'Inde depuis de longues années et, dépensant peu, avait dû nécessairement faire d'importantes économies. Ce qui troublait et inquiétait M. Lester, c'était ce qu'il regardait personnellement dans cette affaire. Wilfrid, dans son ardeur d'obtenir son consentement, protestait que lui et sa jeune femme vivraient de rien, ou de si peu de choses que ça ne valait pas la peine d'en parler. Il n'avait pas l'intention de tirer à boulet rouge sur son père, et pourvu que la plus petite pension lui fût accordée, il se déclarait satisfait. Edith approuvait de tout son cœur les assurances de son fiancé. « Vous êtes tous les deux beaucoup trop jeunes pour vous marier, » dit M. Lester. « J'ai 23 ans, » répondit Wilfrid, « et Edith n'a que 2 ans de moins que moi. » Lady Adelaide fut d'abord favorable au projet. Si le colonel Bordelion consentait à la honorante à sa fille, et si les deux jeunes gens voulaient bien se contenter de vivre d'amour au cottage, eh bien, pauvres enfants, qu'ils se marient. Cela aura au moins une heureuse conséquence, le départ du hall de maître Wilfrid. Elle insista adroitement auprès de M. Lester, sans lui laisser voir le désir d'être débarrassée de son fils. Elle avait été toujours très circonspecte sur ce point, mais en manœuvrant de manière à lui faire, en fin de compte, partager son opinion. M. Lester parla donc en ce sens à Wilfrid. « Mais de votre côté, vous m'aiderez aussi un peu, n'est-ce pas, mon père ?» observa le jeune homme. « Je ne puis pas vivre absolument au crochet de ma femme, quand bien même le colonel Bordelion n'y trouvera rien à redire. » M. Lester s'agita, grommela. Au fond, ce n'était pas un homme intéressé, mais il se trouvait empêtré dans des embarras d'argent inextricables. Il affirma à son fils l'impossibilité de lui accorder autre chose qu'une pension des plus modiques. Il essaierait cependant de la porter jusqu'à 3 ou 4 000 francs. Mais Wilfrid fera mieux d'écrire au colonel Bordillon et de lui expliquer pourquoi lui, M. Lester, ne pouvait donner davantage. « Attendons la réponse du colonel, » ajouta-t-il. Wilfrid suivit cet avis, et en attendant la réponse de M. Bordillon, loua un charmant petit cottage, le plus petit du pays, il commença à meubler des quelques meubles indispensables au ménage le plus modeste. C'était là un nouvel exemple de la prudence dont ce brave garçon avait déjà donné tant de preuves. Pendant ce temps, Edith et lui continuaient à vivre dans les nuages. Mais hélas, avant même l'époque où ils comptaient recevoir les nouvelles si impatiemment attendues, une lettre du colonel à sa fille arriva des Indes, faisant prévoir quelque horrible catastrophe. La lettre ne donnait aucun détail particulier. Le courrier suivant leur apprit la triste vérité. Le colonel Bordillon était ruiné. La faillite d'une banque indienne lui avait enlevé toutes les économies qu'il y avait placées depuis tant d'années. Il ignorait quel pourrait être le dividende de la faillite ou même s'il y en aurait un, les affaires étant dans un désordre inexprimable. La lettre contenait en outre quelques lignes à l'adresse de Wilfrid et d'Edith. Le colonel disait qu'il aurait été heureux de leur mariage et les aurait bénis de tout son cœur, et même leur envoyait sa bénédiction au cas où l'union projetée pourrait encore avoir lieu. Mais quant à une assistance quelconque de sa part, quant à de l'argent, il n'y fallait pas compter. Si son vieil ami, Squire Lester, trouvait le moyen de les soutenir pendant quelque temps, il serait peut-être en état de faire quelque chose pour eux par la suite. Wilfrid Lester resta longtemps plongé dans une sombre rêverie, tenant d'une main cette lettre sinistre et de l'autre les doigts tremblants d'Edith. « Auriez-vous le courage de vivre avec 5 000 francs par an, Edith ?» Elle lui sourit doucement. « Je ferai tout ce que vous me demanderez. Papa ne peut pas être entièrement ruiné, et plus tard il nous aidera. « Faites attention, Edith, c'est un engagement, cela. Vous en rapportez-vous à moi. Je tâcherai de tirer le meilleur parti possible de notre situation. Quel que soit l'avenir, voulez-vous le partager avec moi ?»« Oui, » dit-elle simplement. Elle avait une foi si entière en Wilfrid qu'elle l'aurait suivi les yeux fermés jusque dans les plus profonds et les plus sombres abîmes. L'état des affaires au Hall n'était ignoré de personne au cottage, et Miss Bordillon, Edith et Maria Lester ne cachaient pas l'indignation que leur causait la conduite de Lady Adélaïde envers Wilfrid. Wilfrid alla trouver son père à Scarborough, où il demeurait momentanément avec sa femme, et plaçant sous ses yeux la lettre du colonel Bordillon, il lui demanda ce qu'il y avait à faire. « Ce serait folie à toi de te marier maintenant, Wilfrid, » s'empressa de dire M. Lester. « Je ne puis renoncer à elle, mon père. Depuis 2 mois, nuit et jour, je n'ai pas eu d'autres pensées, d'autres rêves, et... il faut que je me marie. Je crois que si vous voulez bien porter les 3 000 francs dont vous m'avez fait la promesse à 5 000 francs, cela nous suffira pour vivre, en attendant l'arrangement des affaires du colonel. Edith consent à tout. Il y a du gibier et du poisson à profusion dans le pays, et les loyers sont presque pour rien à Dainchild. Cher père, c'est bien peu de chose en vérité, ce que je vous demande. Ne me refusez pas. Souvenez-vous de vos jeunes années. » Il avait pris avec émotion la main de son père. M. Lester se sentit troublé devant ce visage ému, devant l'ardente supplication de ses yeux bleus profonds. Son front se couvrit d'une vive rougeur, et ce fut d'une voix mal assurée qu'il répondit. « Ce serait si terriblement imprudent de ta part, Wilfrid. Quel avenir de privation et de misère, songe à Edith. C'est à elle que je songe, mon père. Je vous implore aussi bien pour elle que pour moi. Edith a compté sur ce mariage autant que moi. Vous m'avez dit n'avoir aucune objection contre elle. Une objection contre Edith. Grand Dieu, non. Jusqu'à ce jour, j'ai toujours pensé qu'une telle femme serait une bonne fortune pour toi, et je voudrais vous voir marier un instant tous les deux, si cela était possible. 5 000 francs par an, c'est moins que rien. Ce n'est certes pas beaucoup, si nous ne devions jamais avoir davantage, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Il est impossible que les choses ne changent pas par la suite. J'obtiendrai quelques places un jour ou l'autre, et le colonel, il faut l'espérer, réussira à sauver une partie de sa fortune. Ne me refusez pas, mon père. Eh bien, Wilfrid, je verrai. Je réfléchirai à ce que je puis faire, dit enfin M. Lester. Ce sera terriblement hasardeux. Mais après tout, c'est ton affaire et non la mienne. Comment parviendrai-je moi-même à me procurer tous les ans ces 5 000 francs? Je m'en rends à peine compte. Quand repars-tu pour Deinscheld ? Demain matin. Allons, nous causerons de cela avant ton départ. Wilfrid Lester considéra l'affaire comme arrangée et se crut sur véritable lit de rose. Il rencontra par hasard un de ses amis, ancien camarade de régiment en congé à Scarborough, et avec l'expansion naturelle aux gens heureux, lui fit part de son bonheur. Ils passèrent ensemble la journée et la soirée à fraterniser. Mais le lendemain matin, Wilfrid, à sa grande consternation, fut reçu par M. Lester avec un regard glacé et des paroles plus glacées encore. Après avoir mûrement réfléchi, M. Lester trouvait l'imprudence de ce mariage tellement grande qu'il refusait absolument d'y donner son consentement. Les yeux de Wilfrid lançaient des éclairs. « Alors vous ne m'accorderez que 3 000 francs, monsieur ?»« Je ne t'accorderai rien du tout, » dit M. Lester avec une calme indifférence. « Je suis fâché de n'avoir pas vu de suite hier matin l'absurdité et l'impossibilité de ton projet. Dès le premier moment, ces conséquences ne m'avaient point frappé. Mais vraiment, je ne puis donner mon consentement à rien de semblable. Aussi bien pour toi que pour Edith, je ne le puis ni ne le dois. Je vais écrire à Lord Hergdale aujourd'hui même, à Wilfrid, pour lui demander d'obtenir pour toi une place du gouvernement. Il a rendu quelques services dernièrement, et peut-être ne lui refusera-t-on pas. Lord Hergdale, s'il est bien en cours, fera mieux de garder son influence pour lui-même. Il doit en avoir besoin. » s'écria le jeune homme indigné et oubliant toute retenue. « Ah, je sais à qui je suis redevable de ce changement, c'est à Lady Adélaïde. » Un tel reproche n'était pas fait pour arranger ses affaires. M. Lester lui imposa silence, et ils se séparèrent mécontents l'un de l'autre, et dans les termes de la plus grande froideur. Wilfrid courut comme un fou jusqu'à son hôtel et pencha sa douleur dans le sein de son sympathique ami. L'officier qui, quoique fort jeune, était lui-même sur le point de se marier, se sentit ému de l'indignation de Wilfrid et applaudit sans réserve à sa détermination d'épouser Edith Bordelion en dépit de tout. « Je n'agirais pas autrement si j'étais à votre place, Lester, » dit le capitaine. « Sur ma parole d'honneur, pas autrement. » « Et, mon cher garçon, si un billet de 1 000 francs peut vous être de quelque utilité, je l'ai là, dans ma poche. Vous pouvez le prendre pour autant de temps que vous voudrez. Je vous le prêterai bien volontiers. » Il n'est pas besoin de demander si l'offre fut acceptée avec empressement. Wilfrid Lester se croyait un homme riche, ou plutôt croyait qu'il serait riche un jour. Il retourna à Deinscheld triomphant et n'hésita plus à réclamer d'Edith l'exécution de sa promesse. Miss Bordelion eut beau supplier les conjurant de réfléchir à une pareille imprudence, pour ne rien dire de plus, et d'attendre au moins de nouveaux renseignements sur la situation de fortune du colonel Bordelion. Wilfrid ne voulut rien écouter. Une voix secrète lui murmurait que s'il laissait échapper l'occasion aujourd'hui, il ne la retrouverait pas de bien longtemps, jamais peut-être. De plus, comme il le faisait remarquer à Edith, et il en était convaincu lui-même, une fois marié, son père se laisserait attendrir et lui allouerait au pis-aller les 3 000 francs par an. On prépara donc tout pour le mariage, non pas précisément pour un mariage secret, mais pour quelque chose d'à peu près équivalent. Quelques jours plus tard, un jour de septembre, M. et Lady Adélaïde Lester entrèrent à Deinscheld Hall. Lady Adélaïde, en descendant de voiture, se rendit directement dans sa chambre pour s'habiller avant le dîner. Sa femme de chambre française, Mademoiselle Célina, la débarrassa à la hâte de son chapeau de voyage et de son châle et commença à procéder à sa toilette, tout en s'excusant de se présenter nue-tête devant Milady. Un malheureux accident lui était survenu. Elle avait égaré la clé de son armoire et se trouvait par conséquent empêchée de mettre un bonnet, comme c'était son devoir. Elle comptait sur la bonté de Milady pour lui pardonner. Milady ne paraissait nullement s'inquiéter que Mademoiselle Célina eût ou non un bonnet. Impatiente d'embrasser ses enfants, elle avait eu la déception de ne pas les trouver à la maison, et Lady Adélaïde n'était pas d'un caractère, maintenant, à endurer patiemment les plus petites contrariétés. « Dépêchez-vous de me coiffer, » dit-elle d'un ton de mauvaise humeur. Ce fut la seule réponse dont elle voulut bien honorer Mademoiselle Célina. Sur ces entrefaites, Tiffle entra. Tiffle, plus vieillie que sa maîtresse, mais ses figures enfrognées et acariâtres se rident généralement avant l'âge. Et suivant son ancienne habitude, marchant avec une lenteur affectée en frottant ses mains l'une contre l'autre. « Faites-moi le plaisir de me dire comment vous avez laissé sortir les enfants, sachant que j'étais attendu, Tiffle. My lady, c'est la faute d'une autre, et non la mienne. Je n'ai pas d'autorité sur Miss Lester. Elle est venue cet après-midi et a fait des reproches aux bonnes de garder les enfants enfermés à la maison par un aussi beau temps. Elle a ordonné de les emmener à la promenade. « Cela suffit, » ajouta Tiffel en s'adressant à Célina. « Je donnerai moi-même à Milady ce dont elle a besoin. » La femme de chambre disparut, heureuse de céder sa place à sa supérieure et probablement de pouvoir chercher tout à son aise la clé de son armoire. Tiffel ferma la porte avec soin et revint vers Lady Adélaïde en levant les yeux et les bras au ciel. « Oh, ma Lady, quelle iniquité j'ai apprise aujourd'hui, j'en étais indigné. J'en suis encore tout sens dessus-dessous, si j'ose dire. Pensez qu'on vous a à ce point trompé, vous et monsieur. Ces deux misérables sont en train de se marier artificieusement. » Par intuition, Lady Adélaïde comprit de qui elle parlait. Wilfrid ne s'était pas trompé dans ses soupçons. C'était bien sa belle-mère qui avait fait peser sur son père sa volonté et l'avait décidé à s'opposer au mariage. Dans son profond égoïsme, craignant que le nouveau ménage ne fût entièrement à la charge de M. Lester, elle n'avait pu se résoudre à priver ses enfants et à se priver, elle, pour ses caprices et ses extravagances, des 3 ou 4 000 francs promis. « Que me dites-vous là, Tiffel ?»« Ma lady, c'est aussi vrai que l'évangile. » Tous les deux, M. Wilfrid et cette charmante nièce de Miss Bordelion, sont sur le point de se marier secrètement. Ils vont aller à l'église, tout seuls, ici, à Dainchild. De toutes les impudences que j'ai jamais vues dans ma vie, celle-là est certes la plus forte. Ici, à Dainchild, my lady. Est-ce que Miss Bordelion ne s'y est pas opposée ? Demanda Lady Adélaïde, tout interloquée. Ah, elle serait plutôt capable de les encourager. Cependant, je ne l'ai pas entendu dire. Ce dont je suis sûr, c'est qu'ils sont sur le point de se marier en cachette. Grand bien leur fasse. Je ne saurais vous préciser le jour, mais je sais que ça ne tardera pas. Demain, probablement. Comment avez-vous appris tout cela? Comment pouvez-vous ainsi être toujours au courant des nouvelles, Tiffel? J'ouvre les yeux et les oreilles, voilà tout, ma lady, répondit Tiffel avec un air de parfaite innocence. Il faut, sur ma parole, que vous écoutiez aux portes ou derrière les haies. Ma lady, quoi que je fasse, je n'agis jamais que dans votre intérêt, et par considération pour vous, pour empêcher tous ces affreux petits serpents de vous étouffer. Quand je vous affirme qu'une chose est vraie, vous pouvez me croire. Les yeux fermés. La jeune lady ne tardera pas à changer son nom contre celui de Madame Wilfrid Lester. On saura bien en empêcher, et sans grande difficulté, fit Lady Adélaïde tranquillement. Squire Lester verra cela. Mes bracelets. Avec tout le respect que je vous donne, ma lady, je me permettrai de vous faire observer que rien ne saurait l'en empêcher. Monsieur Wilfrid est son maître, il est majeur. Squire Lester n'a pas plus de pouvoir dans cette affaire que je n'en ai moi-même. Ils avaient tous deux pris leur parti, aussitôt les mauvaises nouvelles reçues des Indes, et ils feront comme ils ont dit. Il y eut un silence. Tiffel agrafait les bracelets. Si j'étais à votre place, ma lady, reprit-elle, non pas que j'ai la prétention de donner un conseil à Milady, et j'en suis certaine, Milady en est bien convaincue, je laisserai le mariage se faire tout tranquillement. Si l'on s'en mêle, qui sait si Squire Lester ne se laissera pas persuader, et entraîner peut-être à lui allouer une rente de quelques milliers de francs, au grand préjudice de Milady et de ses chers petits agneaux. Au lieu que si le maître apprend la nouvelle, quand il n'y aura plus à y revenir, le mariage une fois conclu en cachette de lui, comme on dit qu'il se fera, l'ingresse sera sur le feu alors, ma lady, et le maître ne voudra ni les voir ni leur accorder un centime. C'est du reste tout ce qu'il mérite, et au moins ces pauvres agneaux ne seront pas lésés. La conversation fut interrompue par l'entrée des agneaux eux-mêmes, qui se précipitèrent en criant de joie dans la chambre. Le premier agneau était un grand garçon de 8 ans, George, un agneau insupportable et horriblement gâté. Le dernier agneau, un petit bébé encore au bras de sa nourrice. 4 autres complétaient le troupeau. Lady Adélaïde fut presque étouffée sous les caresses pendant quelques minutes. Quant à Tiffel, elle avait disparu. Comme goût, Tiffel éprouvait la plus grande aversion possible pour les agneaux. Comme politique, elle feignait une profonde affection pour ceux-ci. Il est probable que Lady Adélaïde estima bonne à suivre la conduite que Tiffel aurait tenue si elle lui était à sa place, car elle ne souffla mot à son mari du mariage projeté. Les conséquences de ce silence furent précisément celles prévues par Tiffel. Wilfrid Lester se maria sans que personne songeât le troubler, ce qu'il considéra comme du meilleur augure pour lui. Mais quand la nouvelle de la cérémonie parvint le lendemain aux oreilles de Squire Lester, la Grèce, pour employer l'élégante comparaison de Tiffel, entra en ébullition. Wilfrid Lester avait caressé le charmant petit projet de se présenter devant son père avec sa jeune femme, de lui confesser humblement la vérité et d'implorer son pardon et l'oubli de sa faute, mais il n'eut pas le temps de le mettre à exécution. L'herbe lui fut coupée sous le pied. Comme à Scarborough, il reconnut là la main et l'influence de Lady Adélaïde. Il ne se trompait pas, et dans ces deux circonstances, M. Lester se laissa absolument conduire et dominer par elle. Aujourd'hui surtout, elle avait excité son ressentiment jusqu'à la rage. L'entrevue du père et du fils fut terrible. Squire Lester lança à la tête de Wilfrid les plus violents reproches. Wilfrid riposta par certaines réflexions, plus mordantes que polies, à l'endroit de sa belle-mère, et M. Lester le mit finalement à la porte en déclarant qu'il était heureux d'être jamais débarrassé de sa présence. Les dernières paroles qu'il lui adressa sur le seuil du hall, Wilfrid étant déjà au milieu de la route, un passant les entendit, furent celles-ci. « Et souvenez-vous-en, monsieur, ni pendant ma vie, ni après ma mort, vous n'aurez jamais un sou de moi. » Squire Lester courut au cottage de la falaise, situé non pas au bord de la mer, ainsi que son nom pourrait le faire supposer, mais derrière le hall, un angle de la forêt. Il entra comme une tempête dans le salon où était assise Miss Bordelion. « Aviez-vous connaissance de cette folle escapade, Wilfrid, Marguerite ?»« Oui, » répondit-elle. « J'ai tout dit et tout fait pour l'empêcher, mais cela n'a servi à rien. »« Tout dit et tout fait pour l'empêcher ?» riposta M. Lester d'un ton auquel il n'avait pas habitué Miss Bordelion. « Pourquoi ne pas m'avoir averti ? Vous saviez mon retour depuis la veille au soir, je présume. Il faut que vous ayez été complice. Votre conduite ne peut s'expliquer autrement. Je ne vous savais pas de retour, mais quand bien même je l'aurais su. Maria les accompagne à l'église ? Fulmina M. Lester. Non. J'allais vous dire, continua Miss Bordelion, que quand bien même j'eusse été averti de votre retour, je ne vous aurais rien dit. Tous les arguments, toutes les persuasions possibles, je les avais employés. De plus, je ne croyais pas, et je ne crois pas encore, que je fusse en droit d'intervenir entre vous et votre fils. Vous auriez été aussi impuissant que moi à empêcher le mariage, car tous deux y étaient absolument décidés. C'est la plus lamentable des imprudences, je n'en disconviens pas. Mais en dehors de cela, je pense qu'il y a bien des choses à dire de votre côté comme du leur. Alors, puisque vous n'avez pas jugé à propos d'empêcher ce mariage, quand vous en aviez le pouvoir, vous les aiderez sans doute de votre bourse, n'est-ce pas, quand ils mourront de faim. Car cela arrivera fatalement un jour, vous pouvez compter là-dessus, c'est moi qui vous le dis. Et M. Lester sortit furieux, sans daigner discuter davantage. Sans cet emprunt de 1000 francs, Wilfrid ne se serait jamais décidé à prendre une détermination aussi hasardeuse. Mais avec de l'argent plein les mains, on voit généralement les choses couleur de rose. Une portion des 1000 francs servit à acheter quelques objets indispensables au petit cottage. Le reste fit vivre le jeune ménage pendant quelque temps. Ah, si nous pouvions voir l'avenir comme nous voyons le passé. Squire Lester continua à se montrer implacable, n'adressant pas la parole à son fils quand il le rencontrait, détournant la tête à la vue de sa belle-fille. Il ne pardonna pas davantage à Miss Bordelion, et les relations entre les deux maisons cessèrent. Maria seule ne les rompit pas entièrement. Combien de temps, sans cet événement, M. Lester aurait-il consenti à laisser sa fille à la garde de Miss Bordelion ? On ne saurait le dire. Mais il la reprit avec lui immédiatement à Danechel Hall, et cessa de payer la pension qu'il avait jusqu'à ce jour allouée pour son séjour au cottage. Il lui défendit expressément d'approcher de la maison de son frère, sans étendre cependant la prohibition jusqu'à celle de Miss Bordelion. Au printemps de l'année suivante, au mois de mai, M. Lester et sa femme partirent pour Londres, emmenant avec eux Maria, pour la présenter dans le monde, puis ils retournèrent à Danechild au mois d'août. Pendant leur séjour à Londres, ils avaient rencontré un vieil ami absent depuis 10 ans, Lord Dane. Au grand étonnement de Danechild, au profond mécontentement de Miss Dane, Lord Dane n'avait pas une seule fois, en 10 ans, honoré le pays de sa présence. 10 ans. Où avait-il vécu pendant ces 10 années? Il aurait à peine pu le dire. Évitant de séjourner dans les grandes capitales, il s'était languissamment traîné de petite ville en petite ville, demeurant de préférence dans les villages inconnus. Il dit en riant au Lester que cette saison de Londres était sa rentrée dans la vie. Il revint à Danechild avant leur retour et s'installa au château avec un grand train de domestiques. Il confia à sa sœur le soin de tenir la maison, dont elle fut, comme il le lui avait promis, la châtelaine et la maîtresse, et fit sa paix avec le pays pour sa longue absence. Ses manières affables, sans façon, lui gagnèrent bientôt tous les cœurs. Il n'y eut pas un seul cottage, riche ou pauvre, qu'il ne visita. un seul excepté cependant, celui de Wilfrid Lester. On aurait pu penser peut-être que l'état de santé de Madame Lester l'avait seule tenue à l'écart, car la pauvre Edith, récemment accouchée d'un enfant, mort peu après sa naissance, courait les plus grands dangers. Il n'en était pas ainsi, cependant. Quand il rencontra pour la première fois Wilfrid, Wilfrid courut à lui les mains tendues, en lui souhaitant cordialement la bienvenue. Mais Lord Dane ne l'accueillit qu'avec la plus froide réserve et ne lui toucha la main que du bout des doigts. « Encore mon père et sa charmante lady !» pensa Wilfrid. Cette fois encore, il ne se trompait pas. M. Lester et lady Adélaïde s'étaient empressés de répéter à Lord Dane, en les exagérant, tous les bruits, vrais ou faux, qui couraient sur Wilfrid. Quel changement avait apporté ces 12 mois dans la position de Wilfrid ? Un immense, et des plus tristes et des plus blâmables. Dainchild commençait à se raconter tout bas d'étranges histoires sur ses faits et gestes. Pour tout dire en un mot, il devenait la brebis galeuse du village. Aussi longtemps que dura le restant de ses 1000 francs, Wilfrid Lester fut heureux comme un roi. Pas une minute il ne se repentit de ce qu'il avait fait, et la pensée ne lui vint même pas qu'il pût avoir à s'en repentir un jour. Quand l'argent fut épuisé, il acheta à crédit. Mais le moment arriva bientôt où le crédit s'épuisa à son tour. Il en est généralement ainsi, et Wilfrid, quoique fils aîné de M. Lester, ne trouva pas à la règle d'exception en sa faveur. Le pauvre garçon commença alors à faire connaissance avec toutes les amertumes et tous les tourments d'une existence réduite à sa plus simple expression. L'opinion reçue à Dainchild était que son père le déshériterait. On disait même que c'était chose faite, et M. Lester l'avait répété à qui voulait l'entendre. On n'aime pas d'habitude à perdre son argent, et les petits boutiquiers surtout, comme c'était ici le cas, n'ont pas les moyens d'en perdre beaucoup. Il n'est donc pas surprenant que ceux de Dainchild aient tout d'un coup coupé les vivres au jeune ménage. Wilfrid, dans son ressentiment, dans sa rage sourde contre l'humanité en général, finit par jeter son bonnet par-dessus les moulins et vécut comme il put, sans souci des moyens, sans se préoccuper des conséquences, en se moquant du « qu'en dira-t-on ? » On est bien près de la chute définitive quand on en arrive là. Il avait passé presque toutes les journées de l'été à la pêche. Et il n'était déjà question à Danemark de filets peu orthodoxes tendus dans les étangs. Aujourd'hui, le temps de la chasse était venu, mais Wilfrid ne pouvait en profiter pour deux raisons. D'abord, parce que l'argent lui manquait pour acheter un permis, ensuite parce que, depuis des mois déjà, il avait mis son fusil en gage. Les jeunes mariés n'avaient reçu aucun secours du colonel Bordillon, qui se trouvait dans l'impossibilité absolue de rien faire pour eux. Dans sa dernière lettre, le colonel leur annonçait son départ pour une ville dont il donnait le nom, que personne ne put lire tant il était long, au moins 20 lettres, et mal écrit. Ils crurent comprendre cependant qu'il s'agissait pour lui d'un grand voyage, d'autant plus qu'il insistait sur l'inutilité de correspondre à l'avenir jusqu'à son retour à Calcutta dont il les avertirait. Tels sont les seuls événements de ces 10 dernières années qu'il soit intéressant de connaître pour la suite de ce récit. Le passé était à peu près oublié. Harry Dane et sa mort, le meurtrier jusqu'alors resté inconnu, la mortalité frappant à coups redoublés sur la famille Dane, tout cela n'était plus que de l'histoire ancienne. Les enfants étaient devenus des hommes depuis ce temps-là, et les événements dont la génération précédente avait le plus parlé ne présentaient pour eux aucun intérêt. Lord Dane s'élevait de plus en plus dans l'opinion publique et les honneurs. La Lord Lieutenance du comté venait de lui en être conférée, celui qui en était titulaire depuis la mort du dernier Lord Dane ayant résigné ses fonctions. Cette charge, du reste, n'était pour ainsi dire jamais sortie, depuis des siècles, de la famille Dane. Elle ne pouvait donc manquer de revenir à son représentant actuel, le Lord fugitif, mais rentrer enfin au bercail et que tout le monde aimait et respectait.